إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سيوات تي توفيق بروم بي عز وجل تي سنو درس توحيد تي سنو تيري بوب دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. خم يني نيجي تي نياري لو تيوسان بي تموي خم دين الإسلام تي تكتلي القرآن أك سنة ينتبه عليه الصلاة والسلام. وخون نجنني دين الإسلام موم نيار يوي بولا تي خاسي راو بويا بو خامني لاغا يور تودتول دين الإسلام مانام القرآن اك سنة يونتبي نيار يوي بولا خاسي راو بولا رتشي خامالني لاغا يور ياو ياكوي تود الإسلام رك واي نيكاتول الإسلام موتاخ كون يوي نيوم نيوي باز بي نيوي ريفيرانسي ñom ñoy adilla yi sukko sindik way wëru way en tant que preuve en tant que xam xam bu ko defé doxon nañ ba aksi ci maana la ilaha illa allah ndax bu ngeen fatali ko ñi ngi won ci ponku l'islam ñi ngi won ci ponku bu jëk ñi ngi won ci maana la ilaha illa allah mu bok ci mbind yi gëna am solo wa parti l'islam bi gëna am solo bi gëna amal solo julit bi mango lolu feñ na ci wote yi yonenti daan wote rawatina yonenti bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ndax fukki at ca makka lata ñuy faratal julli manam ñaarelu ponku bi lata ñukoy faratal fukki at mu def ko ci ponku bi muy la ilaha illa allah kon lolu daf lay woné daf lay won solo gi mu am solo bu ko defé gisoon nañ né yéféri makka ye demb amuñu won jafé jafé ci comprendre sans la ilaha illa allah amuñ ci won problème ñom ay arab lañ won aussi nak ha ak luñ mëna wax ay arab lañ won yonenté bi arab la doon wax ñom ay arab lañ won donc amuñu won jafé jafé ci comprendre sans la ilaha illa allah seen jafé jafé mi ngi nekkon ci nanguko wax nangu ci soumettre nangu ci womatu ñom rejet bobu lañ defoon ñu rejeter la ilaha illa allah rejeter bañ ko rejeter du question dañ ko comprendre won dedet parce que c'était des arabes et le prophète alayhi salatu wassalam parlait arabe contrairement tay ak julit ju bari nga xamni il comprennent même pas akala gis nga julit ñu bari tay xamuñu sans la ilaha illa allah xamuñu ko dañuy dem ci rythme rek la ilaha illa allah la ilaha illa allah mais comprendre ñu sensu la ilaha illa allah c'est-à-dire yi ay réalité la yo xamanteni ni bu la échapper rek lu bari dalay échapper ci compréhension du din l'islam motax souvent borom xam xam yi dañ ci insister c'est des faits yo xamanteni personne ne peut le nier Quraysh ay arab lañ won dañu déggone arab yow julit bi nek fongolé ni julit bi nek mbadakhul fan nga nampé arab soko jangul doko comprendre gis nga donc ay réalité la ay fait la fait historique yu taxaw ni ay fait réel yu taxaw ni gis nga d'où l'importance nit ki fexé aussi mu jang c'est pas parce que nampo arab rek ke li jëm ci sa walu dina waro ko xam dedet war nga xam sa walu dina nga tek ko fi ko wara tek comme ni nga wax won sank ci ay preuve preuve alquran preuve sunna yonante bi waxu ñu ay diiw neena de diiw neena ma non non sank ci beccëk ma ngi rombu ben way mi ngi toj bop ben way quoi dan ko gis nga neena gis nga bama ne ni ci lama yalla ne nak am nga mission nangam na muy toj bop waji quoi di nan yor gi fal la ko yalla wax xam nga yalla lim wax yonent bi def nako ci alquran keneen ku ñew taxaw fi ne yalla neena ma defal na la li te xam nga ñun sénégalais suñu diiné yeb sa tourne autour de ça di way ngand di gis nga diiw bind na neena yalla neena ko ni yalla neen ñen ñi sax subhanallah jour bobu j'étais tellement étonné parce que musuma xalat ni nit degeere na fit nonu waji ne diiw ciala wacc ciala wat ciala yalla wacce ci mom ne ko fasta bima tumar mané a d'accord kon verset bobu wacce na ci yonante bi en plus mu wacce sénégal mais pourquoi ñu degeer fit ci lu jëm ci yalla on est incapable d'apporter des preuves ba paré on se permet de s'aventurer et d'avancer des choses man lolu moy sama problème man dama gis ni nit ñi en matière de dine degeur fit lañuy démé yalla néko néna yalla néko fan la ko yalla waxé dans le coran hmm al coran ñata nga fa fek ya ayyuhan nabi ya ayyuhar rasul Muhammadun Rasulullah lolou dafa leer kan lay waxal yonent bi ne ko defal li ni li li nangam nangam nangam aywa legui nak kenen ku beug ne yalla neena ko nangam mais il n'a qu'à apporter son coran mais non non dañ koy forcer nit ñi ne len gem len ko par force yalla meun na lu nek mayu yalla la honor de quoi lañ ko wara gëmé sien preuve lañ ko wara gëmé c'est le coran qui l'a dit ou bien dafa am benen coran comme wajoji nim defone djel verset bi wacc ci yonent bi mu wacc ko ci wayam melni si coran bi kon ñewat na wacc senegal sadil khana xamulen ne gis ngeen wax yu melni motax on est la risée des athées athées dañuy fowé quoi dañuy kaño de répandre, regardez-les ce qu'ils disent. Faut arrêter, quand même. Soyons sérieux, soyons responsables. Quand même, le Coran est là. Al Coran bangi ni. Mais le problème en est que yow dañ lay bloquer do jang Al Coran. Ba paré nan le diw, no gëmal gis nga diw, def na lay gis nga diw, ba Jibril né jass. Bo mom moy metti sama bir man. Ne Jibril ne Jass mané ah bon kay wajil et après bi Jibril ne Jass et après ah malakul mawt ñaata yon lay ñew di jël fat di farru yi ah et après c'est-à-dire lan moy juddo lolou ci lo xamanteni diina la bu nit ñi jëfé lu nit ñi wara topé yalla lan mo ci juddo ci lolou ñun bu fekke dañu jël sunu diine l'islam diko foyé di ci tiaxan di ci fo di ci démé audace bo xamanteni ni aveugle la mais kon atay ñu wara def motax gis ngeen nit ñi luñu jël xëpp ci l'islam luñu jëp parce que ils disent que ils sont pas sérieux ces gens là c'est ce qu'ils disent ils non ils sont pas sérieux ils ne se limitent pas au coran ils ne se limitent pas aux paroles du prophète ils inventent des choses des trucs nan jibril ñew na fe jibril jaar na fe dajé nak jibril joxanté nak mom loxo fubalondo nak jibril fe dajé nañ jibril nanando ataya fe arrêté ay nit ñoy jël lolu diko véhiculer pour faire du business pour jël ay nit ngandal len tout simplement pour retirer ce qui est dans vos poches. L'islam c'est pas ça. Yonent bi ñewul won pour retirer ce qui est dans la dans vos poches. Yonent bi ñewul won pour jël li nek sunu poche. Donc il faut aussi tamit il faut aussi ñi déglu aussi ñom tamit ñu respecter sen bop. Ça c'est très important. Parce que buñ la déglu lo n'importe quoi, gëm lo n'importe quoi nga accepter aussi. Est-ce que toi tu te respectes d'abord? C'est ça la question à se poser. Est-ce que yow respecté nga sa bop d'abord? Waji ñew ne la yalla neena ma. Yalla neena fi nangam. Nga gëm ko quoi? Est-ce que yow respecté nga sa bop? Mais au moins la ko preuve ana preuve bi. Fal la ko yalla wax. Du da nga ne yalla wax. OK, on va vers le Coran pour vérifier. Ban farti, ban sourate, ban verset. Xana lo new aliwe, war nga meuna wax sourate, xana lo new aliwe, war nga meuna wax verset. Fal la ko yalla wax. Ki bul di ngat, gëmal rek, gis nga ki wax lolu, ki bind lolu, nangal. Non, attends. Waman asdaqu min Allah qila waman asdaqu min Allah haditha. Donc prouvez mako si parole Allah won mako si alquran fan lako yalla wax ni diw nangam yow ya fi yow ya nangam anam c'est simple mais nit ñi simplicité bobu dafa melni ça vous dérange hein? La simplicité nit ki wax ñu ne ko où sont les preuves pourtant alquran mom mo ñu yar ci lolu qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin apportez vos preuves si vous êtes véridiques. Donc le fait que nit wax ci dina on lui demande des preuves lolu nit ñi dañ japp ne c'est di nangam parce que c'est simple quoi lolu moy la logique c'est ça la logique buñ démé ba japp ne logique nak mom lenen la ñun ñoy foyé sunu bop ñun ño bëgg ñu foyé ñu et ça marche aussi so bëggé ñu foyé la tu sors là dans la rue nit ñi dinañ la foyé. Et ça marche aussi. Et ça marche. Donc, ñu bayyi xel bu baax. Tombe yoyu. C'est très important. Mangok, c'est très important. Wax fi ki nangam. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Apportez vos preuves si vous êtes véridiques. Du ngayene yalla ko ko wax. Won len ñu fuko ko yalla waxe kula wax lo rek ne hey diw neena yalla di wala diw bind na neena yalla neena ma nangam ne ko fan la ko yalla waxe ci ban sourate ci ban verset su fekke yalla ko wax kay dinañ ko retrouver ci sourate wala ci verset dañ ko retrouver dañ ko fekke ci sar wala ci aya fan la ko yalla waxe won ñu ko ban sar la Fatiha banasi anamu. Bu ko meunta indi nak nga bayiko ak ay bagassam yow lan lañ la topulo waxu nit ñi lañ la topulo wala waxu yalla sunu borom dene ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum topulen liñu wacce mu bawo ci seen borom lolu moy lan moy alquran me diw neena diw bindal waxon na la ni wote wo yoyu yag na fi juif ye chrétien dañ ko dan def nahnu abna'ullahi wa ahibba'u gis nga ak yeneen bir dan wote wo alquran ne len qul hatu burhanakum apportez vos preuves si vous êtes véridique ce principe là mom nga mom yow mi deglu mais alquran tegula ci principe luñ la wax na la gëmal diina la rek gëmal ju jël ben affaire rek ambalé ko ci emballage diina né la gëmal après nga gëm pour quelle raison non suru borom daf ñoo jox xel bobu sunu borom ne ñun nañ ko utiliser ni moy lan ku ñu ne nangam diine la ñu nako ansa dalil mat dalil qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin mais ñu bëgg jël julit ñi non rek luñ leen xëpp rek ñu forcer leen ñu gëm ko ñoomit ñu dox ci logiku luñ leen sanni ñu gëm ha soi-disant diko laye fonku wala respect wala nangam avant de respecter une tierce personne il faut respecter Allah d'abord avant de respecter une tierce personne il faut respecter la parole d'Allah d'abord waxu yalla ak waxu nit bu gëna for yalla ak nit ku gëna for donc bala nga nan respecter diw yalla mi la bind nak ha wallahi te di nga de dina dik bu boba nga xam ba xam diw meunal na la dara waxuma sax de mais siburu rek siburu fi rek tay waaw bu la siburu ne cius sa bop ak di metti sa yaram tang rek bu la ci meunal dara hmm ya ko la ci meunal dara soyons sincères et véridiques mango kon nañu jaar fiñu yalla jaarlo nañu tek mbir yi fañ ko wara tek respectons Allah d'abord respectons la parole d'Allah d'abord akok alquran ñu wormal ko respecter yonent bi alayhi salatu wassalam respecter waxu yonent bi wormal ko tek ko fiñ ko wara tek waccelen sen waccu way comme on dit day deg ci réseau whatsapp wa oustaz ma ngi lay nuyu di la waccé sa waccu way est-ce que alquran waccé nga ko waccu wayam d'abord avant ngay waccé oustaz waccu wayam c'est ça notre problème est-ce que hadithu yonent bi waccé nga ko waccu wayam avant ngay waccé oustaz waccu wayam c'est ça non ñun problème nit lañ am ah oustaz ci lay waccé sa waccu way nan nga def ak alquran nan nga def ak waxu yalla ya salam ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.